chose l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. Au clair de la lune, deux cœurs capricieux font à qui mieux mieux maintes infortunes. On en invite une, elles viennent à deux. On invite les deux, il n'en vient aucune. J'en multiplie une, j'en multiplie deux. Ah, comme c'est fâcheux, qu'elles sont importunes. 10 fois 100 fois une, c'est trop périlleux. Par pitié, mon Dieu, qu'il n'en reste aucune. N'ayez pas de rancune, vous serez heureux. Dites-leur adieu, car de cette dune, la tête y en a qu'une, ah non, y en a deux. Pour les amoureux, chacun sa chacune. Ah, les petites femmes de Paris, ah, les petites femmes de Paris.